Le Dhammapada, verset sur les impuretés. Tu ressembles aujourd'hui à une feuille jaunie. Les messagers de la mort se rapprochent. Sur le point d'entreprendre l'ultime voyage, tu n'as encore fait aucune provision. Construis-toi une île. Travaille vite, développe la sagesse. Si toutes les impuretés disparaissent, immaculé, tu atteindras la sublime demeure des éveillés. Tu arrives au terme de ta vie, tu t'avances vers Yama, le roi de la mort. Tu n'auras nulle part où te reposer en chemin et tu n'as encore fait aucune provision. Construis-toi une île, travaille vite, développe la sagesse. Si toutes les impuretés disparaissent, immaculé, tu n'auras plus à repasser par la naissance et la vieillesse. Tout comme l'orfèvre, graduellement, retire les impuretés de l'argent, le sage, pas à pas, d'instant en instant, se libère de ses impuretés progressivement. Tout comme la rouille, impureté du fer, attaque le fer dont elle est issue, ceux qui agissent sans retenue sont attaqués par la corrosion de leurs propres actions. Si on ne récite pas les enseignements, ils se perdent. Si on ne répare pas une maison, elle s'écroule. Si on ne soigne pas la beauté, elle se fane. Si on n'est pas vigilant, l'attention disparaît. L'adultère est l'impureté des personnes mariées. L'avarice, l'impureté de ceux qui font la charité. Les actions néfastes sont les véritables impuretés dans ce monde et dans celui d'après. Mais plus impure que toutes ces impuretés est l'impureté suprême, l'ignorance de ce qui est. Moine, abandonnez cette impureté suprême et de toutes les impuretés, vous serez libéré. La vie peut sembler facile à l'impudent qui se comporte comme un corbeau insolent, qui est corrompu et médisant, effronté et arrogant. La vie peut sembler difficile au discret qui recherche toujours la pureté, qui est sincère, attentif et décent, et gagne sa vie honnêtement. Celui qui tue, qui ment, qui vole, qui ne peut se passer de drogue ou d'alcool, qui convoite la femme d'autrui, celui-là fait pourrir les racines de sa propre vie dès à présent, dans ce monde-ci. Alors, toi qui souhaites t'orienter vers le bien, sache que les mauvaises actions sont un danger. Ne permets pas à l'avidité et à la malhonnêteté de t'enfermer dans une souffrance sans fin. Les offrandes des gens sont fonction de leur foi et de leur conviction. Si tu t'agites à la pensée de la nourriture et de la boisson que d'autres moines ont reçue, tu ne pourras te concentrer en méditation ni le jour, ni la nuit, ni à aucun moment. Mais si tu peux mettre fin à cela, éradiquer cette réaction, l'effacer complètement, alors tu pourras te concentrer en méditation, le jour comme la nuit, à tout moment. Nul feu n'est plus brûlant que la passion. Nulle attaque plus violente que la haine. Nul piège plus grand que la vision erronée. Nul courant plus turbulent que l'avidité. Il est facile de voir les défauts des autres, mais difficile de voir les nôtres. Nous étalons les erreurs des voisins comme on sème en répandant les grains, mais nous cachons les nôtres comme un tricheur une mauvaise main. Si nous cherchons sans cesse les défauts des voisins, si nous trouvons toujours à leur reprocher, nos mauvaises tendances vont se développer. Nous serons loin d'en voir la fin. De même qu'il n'y a aucune trace dans le ciel, il n'y a, hors du sentier, aucune vie spirituelle. Les gens se délectent de plaisirs sensuels, mais les éveillés en sont totalement libérés. De même qu'il n'y a aucune trace dans le ciel, il n'y a, hors du sentier, aucune vie spirituelle. Aucun phénomène n'est éternel. Rien n'agite les éveillés.